À la fenêtre recélant, le santal vieux qui se dédore de sa viole étincelant, jadis avec flûte ou mandrin, et la cymbale étalant le livre vieux qui se déplie du magnificat ruisselant, jadis l'on fait précompli à ce vitrage d'ostensoir que frôle une harpe par l'ange formé avec son vol du soir pour la délicate phalange du doigt que sent le vieux santal. Ni le vieux livre, elle balance sur le